Welcome everyone to French Pod. Today we've got an intermediate lesson. It's called Friday the 13th. My name is JP. Je m'appelle Amaury. Salut à tous. Salut. So this lesson has got to be unlucky. Are you superstitious? Non, pas vraiment. Tu vois, aujourd'hui c'est vendredi 13. Mm-hmm. C'est pas grave. All right, just be careful. Just watch your back. Peut-être, en fait. All right, what's our key word? What's our mot-clé? Porte-bonheur. Porte-bonheur. This is a noun, right? Oui. Okay, this is a lucky charm. Exactement. Okay. So since you're not superstitious, Amoy, you don't have any lucky charms. Non, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que j'ai ma bague. Oh, really? J'ai une bague et c'est vrai que quand je ne l'ai pas sur moi, ça me dérange. Ah, you gotta wear that ring. Okay. So let's listen for that mot-clé, which is porte-bonheur, in the dialogue, which we're about to hear right now. Souhaite-moi bonne chance. Je passe mon permis de conduire après-demain. C'est vrai. J'espère que tu n'es pas superstitieuse, car après-demain, nous serons vendredi 13. Oh non, il n'y a pas plus superstitieuse que moi. Tu peux peut-être changer la date. Non, je l'ai déjà reporté 2 fois. Ne t'inquiète pas, j'ai une... En plus, j'ai cassé un miroir ce matin. Je suis passée sous une échelle et je viens de croiser un chat noir. Ne t'inquiète pas, j'ai une solution. Je te prête mon trèfle à 4 feuilles qui m'a toujours porté chance. Et vendredi... Je croiserai les doigts pour toi. Merci. Avec ce porte-bonheur, je suis sûre de réussir. All right, we're back and somebody's in a kind of a high-pressure situation on Friday the 13th. Oui, comme elle va passer son permis de conduire. Mm-hmm. Mais faut dire, elle est vraiment superstitieuse. Hein. Yeah. Juste parce qu'elle reçoit un trèfle à 4 feuilles, c'est bon. Tout s'arrange. All right. Maintenant, elle est sûre de réussir. Bon, c'est sûr, c'est clair. Absolutely. Donc, elle est sûre de réussir quoi? Son permis de conduire. Okay, yes. So, she says that it's coming up the day after tomorrow, right? Tout à fait. Elle dit à son ami, souhaite-moi bonne chance. Wish me luck. Je passe mon permis de conduire après-demain. Okay, après-demain is the day after tomorrow. Oui. And we should also point out that passer un examen, or passer le permis de conduire, in French, you say passer un examen, right? To take a test. Oui. Is the verb passer. C'est le verbe qu'on utilise pour les examens. Okay, now don't get that confused with in English passing a test, because in English, when I say passing a test, I mean that, you know, I didn't get a failing grade. So it's a very different thing, passing a test and passer un examen. Oui, comme ici, l'examen du permis de conduire, passer son permis de conduire. Mm-hmm. Et là tombe la mauvaise nouvelle, puisqu'il dit, c'est vrai, j'espère que tu n'es pas superstitieuse, car après-demain, nous serons vendredi 13. Okay, now vendredi 13 obviously is Friday the 13th. Oui. And whenever you want to specify a day and the date, that's just how you do it. Vendredi 13 is Friday 13, literally. Okay, and so what if you wanted to say Thursday the 12th? Jeudi 12. Okay. Oui. Oh, it's not bad. All right, and when you talk about a day in French, it's funny because in English we'd say today is, and it'd be third person. But in French, you like to use the first person singular, right? Nous. Donc ici, nous serons, ou tu sais qu'on peut utiliser aussi le « on », qui est l'équivalent du « nous mm-hmm. ». Donc c'est « on » ou « nous ». Right. And here, it's « nous serons ». This is the future tense of the verb « être ». So we will be the Friday the 13th. Oui, après-demain. Et là, pas de chance, puisqu'elle dit « il n'y a pas plus superstitieuse que moi ». Okay, that means she's really superstitious. Exactement, oui. Okay. And we use the expression « il n'y a pas plus que something », right? Oui. Par exemple, je pourrais te dire, il n'y a pas plus malin que toi, mon cher JP. There's nobody naughtier than me, Amaury. Eh oui. Who's talking, Amaury? Il n'y a pas plus superstitieuse que moi. Alors, il faut faire quelque chose. Et donc, la personne lui demande, tu peux peut-être changer la date. Mm-hmm. And she says no. Je l'ai déjà reporté 2 fois. Okay, I already postponed it. So what's our verb for postpone? Reporter. Reporter. Okay, it looks in English like report, but we're not getting confused with English. No. No, reporter is to postpone. Voilà, donc on peut reporter un entretien. On peut demander pour reporter un entretien. Mm-hmm. Les examens parfois sont reportés. Donc son ami essaye de la rassurer. Mm-hmm. Il dit ne t'inquiète pas. Don't worry. Elle ne le laisse pas finir, mm-hmm. tellement elle est nerveuse. All right. Et pourquoi elle est nerveuse? Parce que en plus, elle dit « j'ai cassé un miroir ce matin ». Oh, that's definitely 7 years bad luck. « Je suis passé sous une échelle ». Oh no, under a ladder. Ouais. Shouldn't do that. et je viens de croiser un chat noir. Ok. Croiser is to cross with, right? So exactement. She crossed with un chat noir, a black cat. And you'll notice that the verb of the sentence is je viens de croiser. So I just did something. This voilà. is the structure venir de infinitive. C'est lorsque quelque chose vient de se passer. Okay, so when something just happened. Oui. Mais bon, il arrive quand même à parler. Et donc il redit ne t'inquiète pas, j'ai une solution. C'est peut-être la seule solution qui marche pour une personne superstitieuse. Puisqu'il dit je te prête mon trèfle à quatre feuilles. Okay, I'm going to loan you my four-leaf clover. Oh. Okay, prêter. To loan. Oui. Okay, and trèfle is the clover. C'est ça. Qui m'a toujours porté chance. Okay. Porter chance is to bring luck. Voilà. Okay. Oui. So four-leaf clovers always bring luck. Bien sûr. Ouais. Of course. If you're superstitious. Et vendredi, je croiserai les doigts pour toi. Okay, now this is the same verb croiser that we saw with the chat noir. But here, we're crossing our fingers. Les doigts. Mm-hmm. Les doigts. So those are two lucky things that she can do to help stave off the bad luck that of all the things that she did. Elle accepte ses porte-bonheur. Okay, the lucky charm. Oui. Et elle dit même, merci, avec ce porte-bonheur, je suis sûr de réussir. Okay, I'll definitely pass the test, right? I'll definitely succeed. Elle est très confiante maintenant. Yeah. Tout a changé rapidement. Right, she's got that little plant. Yeah. And she's got her friend crossing his fingers. Voilà. Plus de stress. Okay. Maybe it's worth taking a spin in the car just one more time, you think? Je crois, oui. All right, let's listen to the dialogue again one more time. Souhaite-moi bonne chance. Je passe mon permis de conduire après-demain. C'est vrai. J'espère que tu n'es pas superstitieuse, car après-demain, nous serons vendredi 13. Oh non, il n'y a pas plus superstitieuse que moi. Tu peux peut-être changer la date. Non, je l'ai déjà reporté deux fois. Ne t'inquiète pas, j'ai une... En plus, j'ai cassé un miroir ce matin. Je suis passée sous une échelle et je viens de croiser un chat noir. Ne t'inquiète pas, j'ai une solution. Je te prête mon trèfle à quatre feuilles qui m'a toujours porté chance. Et vendredi, je croiserai les doigts pour toi. Merci, avec ce porte-bonheur, je suis sûre de réussir. All right, we're back. Amaury, you're not superstitious. Je t'ai dit au début, c'est vrai que quand je n'ai pas ma bague au doigt... Yeah, I notice you're not wearing it now. Et maintenant, je ne la porte pas pour un vendredi 13, c'est pas bon signe. Yeah, and you know what? I'm looking here in the studio, there's a black cat staring at me. This is a poster. Did you put that up? Oui. Il y a longtemps, hein. Okay. Et toi, JP? Nah, I'm not superstitious. Non, rien no, du tout. No, a little bit. Ok, mais bon, donc si y a une échelle dans la rue, tu passes en dessous de l'échelle, tu tombes. No. But I'm just afraid of it falling on me. D'accord, ouais. Ok. Mais est-ce que tu croises les doigts pour quelqu'un pour lui souhaiter bonne chance? Par exemple, si un de tes amis passe un examen? If they're looking at me, but then if they're not looking, I uncross them. For goodness sakes. Donc tu ne crois pas vraiment que certains objets portent chance, ou on dit aussi en français portent bonheur, portent malheur? Well, I think that things that porte bonheur and other things that porte chance really just make people feel more confident. Ah oui, donc c'est vraiment dans la tête. Yeah. Ah, ça peut aider alors. Mm-hmm. Just don't touch my lucky pen. C'est vrai, c'est parce que tu te rends compte qu'il y a des choses comme ça qui portent malheur dans certains pays mm-hmm. et dans d'autres pays portent bonheur. Ah, par exemple, ben, croiser un chat noir, comme on le voit dans le dialogue ici, mm-hmm. ça porte malheur en France, right. mais en Grande-Bretagne, ça porte bonheur. Really? Ouais. Ok. Il paraît que c'est parce que Napoléon, un jour, avant une bataille devant les Anglais, qu'il a perdu. Oh non. Et bien, il a croisé un chat noir. Ok. Du coup, évidemment, ça yeah. porte malheur en France et bonheur en Grande-Bretagne. Enfin, et sinon, bon, il y a des choses comme par exemple un fer à cheval porte bonheur. Mm-hmm. Horseshoe, right? Oui, en France en tout cas. Je sais que le chiffre 8 en Chine porte bonheur. Really? Oui, okay. Mais que le chiffre 4 par contre... Yeah, most buildings in China don't have a fourth floor. Et aux États-Unis, j'ai lu qu'aux États-Unis, certains hôtels n'ont pas de 13e étage. That's true, you wouldn't want to stay there. There's no 13th button. Non, voilà. On the elevator. Voilà, nous sommes à tous un peu compliqués. Mais je crois que tu as souligné un point très important. C'est vrai qu'on a besoin de se rassurer. Mm-hmm. Et pourquoi pas avoir chacun son porte-bonheur avec soi. Right, it doesn't hurt. Voilà, it doesn't hurt. Donc nous serions intéressés de savoir si vous avez un porte-bonheur ou si vous croyez que certaines choses portent malheur ou portent chance. Donc n'hésitez pas à venir nous le dire sur la page de discussion de FrenchPod.com. Sur ce, JP, on se voit bientôt. Ok, à la prochaine. Happy Friday the 13th.